Place Agia Padeleimonas, le 20 mai 2020 à 18h, a eu lieu un événement public de lecture de textes. Organisé par l'Assemblée des réfugiés contre les expulsions, l'action a été soutenue par différents groupes du réseau de solidarité. يعني نحن اللاجئين معترفين فينا باليونان طبعا اللي باصمين هون بظن نحن نعيش في سكن للمنظمات الغير حكوميه La place est grande surmontée d'une énorme église orthodoxe et l'atmosphère pourrait sembler sympa sauf que le quartier a une récente histoire fasciste les bureaux du parti néo-nazi Obdoré se trouvaient jusqu'à il y a peu à proximité et tentaient d'imposer la terreur aux habitants non européens Choisir d'organiser une action de solidarité par et pour les réfugiés sur cette place a été une décision importante et nécessaire, car ce quartier est habité par de nombreuses personnes concernées par les expulsions à venir. Tous les bancs sont occupés, et les pourtours de fontaines aussi. Les enfants jouent avec les pigeons. Il y a beaucoup de monde. Nous sommes un groupe de migrants reconnus comme réfugiés. Nous habitons dans des appartements gérés par différentes ONG. En avril, il nous a été annoncé que nous devrons quitter nos logements à la fin du mois de mai. Le gouvernement actuel de la Nouvelle Démocratie a décidé d'expulser les migrants en pleine période du Covid-19, quand son slogan officiel est « Restez à la maison ». La cash card, qui sert pour se payer à manger, va aussi être bloquée. La plupart de nous sommes confrontés à de sérieux problèmes de santé. Nous sommes des mères seules, femmes seules et des personnes âgées. La guerre contre les migrants commence sur les mers et aux frontières. Elle continue en prison, en centre de détention, dans les camps surchargés et par des contrôles d'identité aux faciès dans la rue. Maintenant, cette guerre est dans nos maisons. Nous ne quitterons pas nos maisons. Nous voulons des maisons, des papiers et une aide financière pour tout le monde. Nos enfants doivent aller à l'école et avoir le droit d'étudier. Nous voulons la sécurité sociale et l'accès à la santé et à des traducteurs. Si vous êtes des migrants et que vous vivez dans des conditions similaires, contactez-nous par téléphone ou sur le Facebook Not Leaving My Home. Le texte et l'événement ont été voulus, pensés et organisés par l'Assemblée des réfugiés contre les expulsions. Avec le soutien d'autres groupes en lien avec le mouvement autonome à Athènes. Soutien qui s'est concrétisé ce jour-là par la présence de quelques personnes qui pourraient aider au cas où les fascistes ou la police s'approcheraient. Malgré l'appréhension, il n'y a pas eu d'attaque fasciste et les flics sont venus voir mais sont restés à distance. بیشتر ما با مشکلات جدی سلامت یا ناتوانایی‌های جسمی و روحی روبرو هستیم. ما زنان مجرد و مادران سرپرست خانوار و افراد مسن هستیم. Suite à la lecture et à la distribution des textes en plusieurs langues, beaucoup de passants et passantes se sont arrêtés et des petits groupes de discussion se sont formés tout autour de la place. L'une des co-organisatrices de l'événement explique que s'organiser pour résister aux expulsions représente des risques, pour les papiers et pour la cash card. Pour les papiers, cela représente des complications administratives, comme les documents de voyage bloqués, ou même un procès, ou peut-être même un emprisonnement. Pour la cash card, cela représente 150 euros qui seraient bloqués, 150 euros qui sont la seule et totale source de revenus possible pour absolument toutes les dépenses. Le chantage est celui-ci. Si vous ne quittez pas votre logement, on coupera la cash card. Mais, dit-elle, si des personnes veulent nous rejoindre et lutter avec nous malgré ces risques, nous serons unis chaque jour qui viendra pour tenir ensemble contre la pression, les menaces et la misère humaine à laquelle on veut nous forcer. We are talking about a big number of people, so we should be public what we're doing. We're a group of migrants having assembly mostly every day, discussing about what we want to do, what we think, what we believe, because we believe on equality and justice in our team. in our group. We don't want to separate for the nationalities, to separate for the skin color, to separate for languages. We can cover these things, you know. I mean, for translation, we can find some people to help us, to communicate, to stand all together, shoulder by shoulder in this situation. So we said, okay, now we can make, for the first step, we can make one microphone key in public space to call other migrants, to show them we are here and we want to resist. If you are up to this, join us. This is the plan. Because I cannot propose to migrants to resist when they are risking such a things also, on the other hand, like documents, risking court, trial, detention center, prison. I cannot propose to them. But if they are ready, I will stand by them every single day of their life.